Collège de France a été créé au XVIe siècle pour enseigner des matières qui ne l'étaient pas à l'université et pour développer un enseignement libre, mais l'esprit est resté. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Donc le Collège de France est une institution qui est faite pour la recherche fondamentale et pour lui permettre de se développer dans des conditions de confiance avec le temps qu'il faut pour que la recherche puisse se développer. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quel est l'avenir de la Syrie et du Liban ? Quel est le tournant de 1929 et celui de 1935 en Orient, s'interroge l'historien Henri Laurence. Comment la montée des périls, expression consacrée dans les années 1930, se traduit-elle dans la région ? Comment l'Italie fasciste se positionne-t-elle ? Dans le cadre de sa série intitulée « Les crises d'Orient, l'hégémonie britannique 1926-1956 », Henri Laurence, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire « Histoire contemporaine du monde arabe », nous entraîne au Levant, sous mandat français, en Syrie et au Liban, mais aussi en Palestine, sous mandat britannique. Dans la présentation qui accompagnait l'an dernier ce récit-analyse consacré aux crises d'Orient de 1914 aux années 1970, Henri Laurence rappelait « Mes cours seront en quelque sorte une histoire politique du Moyen-Orient comme objet géopolitique. Le but est évidemment de montrer que la source des violences, à travers les complexités des analyses historiques, réside beaucoup plus dans la géopolitique que dans une quelconque culture. Précédemment, avec le Congrès islamique de 1931, à Jérusalem, Henri Laurence a expliqué, et je le cite, « Cette rencontre correspond à une maturation du mouvement national arabe qui s'est doté d'un corps doctrinal et d'un projet politique unificateur, celui d'abolir les frontières, ce qui maintenant est considéré comme possible du fait des progrès des communications modernes. La vision géographique s'est élargie, s'étendant désormais du Golfe, dit Persique, au Maroc. » Abordant la Syrie sous mandat français, l'historien a montré en fin de cours hier que la question du traité franco-syrien se heurte à l'obstacle de l'unité syrienne et du vrai degré d'indépendance du pays. Alors comment le panarabisme devient-il la doctrine de la nouvelle génération ? Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 21 novembre 2018, pour le cours d'Henri Laurence, aujourd'hui, l'Orient et la montée des périls. Donc c'est Damien de Martel qui succède à Ponceau en octobre 1933. Mais comme le projet de traité qu'il propose déplaît aux nationalistes syriens et qu'il risque d'avoir la majorité au Parlement, Martel suspend sine die le Parlement syrien en novembre 1933. Alors, devant l'échec politique du bloc national d'arriver à un accord avec la France et avec l'arrivée des jeunes qui ont été issus des consignes venues du Congrès de Jérusalem, on voit apparaître un nouveau mouvement à côté du bloc national, c'est la Ligue d'Action Nationale, Hizbut al-Amal al-Qaumi, dont le projet unitaire s'étend à l'ensemble du Proche-Orient. La Ligue d'Action Nationale réunit toute la nouvelle génération beaucoup plus radicale, beaucoup plus nationaliste arabe, mais qui va poser un problème supplémentaire, c'est qu'idéologiquement, la nouvelle génération rejette les frontières issues de 1920. C'est-à-dire qu'à la fois, ils veulent l'indépendance, mais ils remettent en cause les frontières issues de la colonisation, ce qui posera des tas de problèmes pour l'avenir. Cette génération est aussi profondément anti-sioniste, ce qui commence à créer des dangers pour la communauté juive syrienne. Il s'oppose à la réinstallation des Assyro-Chaldéens fuyant l'Irak dans la Jésirée syrienne. C'est encore le grand parti des notables, le bloc national, qui domine la scène politique syrienne. Et en janvier 1936, le bloc national lance une épreuve de force contre les autorités mandataires en lançant la grève générale avec pour première exigence la restauration de la vie parlementaire et constitutionnelle en Syrie. L'autorité mandataire, évidemment, proclame la loi martiale, mais pense que de toute façon, il faut devoir négocier. Et le 2 mars 1936, une formule de compromis est acquise. Une délégation syrienne viendra discuter à Paris avec le gouvernement français le contenu d'un traité qui accordera aux Syriens des droits au moins équivalents à ceux accordés au gouvernement irakien par le traité anglo-irakien, et la vie parlementaire sera rétablie. Donc vous notez que le principe d'une négociation et d'un traité est antérieur à l'élection du Front populaire en France, parce qu'on a tendance de dire le Front populaire accorde. Non, la décision elle est prise avant les élections françaises. Alors, au Liban, la vie politique est beaucoup plus calme que finalement c'est un groupe de notables qui gère l'ensemble de la vie politique libanaise sous mandat français. Et on a donc une caractéristique habituelle. D'abord, il y a quand même le fait fondamental que la bourgeoisie mercantile de Beyrouth se rapproche des notables traditionnels de la montagne libanaise, amorçant donc la fusion entre les bourgeois du littoral et les chefs de la montagne. De l'autre, la rivalité entre notables d'une même confession conduit ces dix notables à faire des alliances avec des notables des autres confessions. Et donc, les coalitions de factions permettent paradoxalement de créer une sorte d'unité libanaise. Et surtout, alors qu'au XIXe siècle, la vie politique de la montagne avait été définie par l'opposition entre maronites et druzes, maintenant, il est clairement l'opposition entre maronites et sunnites, mais à travers aussi ces alliances de faction. En octobre 1927, pour faire des économies, on abolit le Sénat libanais. Et depuis, en particulier ces derniers temps, on demande de plus en plus au Liban la possibilité de restaurer ce Sénat prévu par la Constitution de 1926 et aboli en 1927. De même, la Constitution est révisée en octobre 27 pour des questions d'économie. Le problème, ce qui est déjà caractéristique à l'époque et encore aujourd'hui, c'est que l'économie libanaise fonctionne largement sur l'argent de la diaspora libanaise qui envoie des fonds à la mère patrie. Et la crise économique mondiale entraîne nécessairement, inévitablement, une réduction de l'envoi des fonds au Liban qui se répercute par une baisse des ressources fiscales qui conduit à des réductions budgétaires. Et déjà que des économies budgétaires, c'est pas facile à faire dans un pays unitaire, mais dans un pays confessionnel, c'est encore pire. D'autant plus que le rattrapage des musulmans se fait largement, on l'a vu dans la fois précédente, par le recours au système de l'État. Les chrétiens envoient leurs enfants dans les écoles privées, les musulmans dans les écoles d'État. Or, les réductions budgétaires touchent les écoles d'État. Donc, les musulmans protestent en disant « les chrétiens nous empêchent de ». Donc, ça fait une tension sur l'impact, disons, diffracté entre communautés du rôle des services apportés par l'État. En plus, le bloc national syrien continue à revendiquer le Liban au nom de l'unité syrienne. Alors à la fois, c'est le projet de rétablir une unité syrienne, mais aussi de façon plus concrète, et ça c'est un axe jusqu'à aujourd'hui de la politique syrienne, c'est la crainte de Maïsaloun. Les Français ont pris Damas en passant par la Bekaa, et donc en battant à Maïsaloun les troupes syriennes. Il faut éviter un nouveau Maïsaloun, donc il faut s'arranger pour qu'au minimum aucun danger pour la Syrie puisse venir du territoire libanais. Alors ça s'exprime clairement dans les années 30, mais ça dure jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que j'appelle le complexe de Maïsaloun, qui a toujours été celui de la classe politique syrienne depuis 1920. Alors, l'autre question, c'est que certains chrétiens libanais trouvent qu'en effet, il y a trop de musulmans au Liban et qu'ils sont prêts à rétrocéder à la Syrie une partie du territoire libanais si elle est peuplée, ces territoires sont peuplés de musulmans. Ça peut être soit le Jabal Amel au sud de ce qu'on appelle le Liban Sud, soit la région de Tripoli au nord, soit les deux. Donc, cela provoque aussi une certaine instabilité sur la teinture même du territoire libanais, d'autant plus que certains chrétiens ont le sentiment de plus en plus que les chrétiens risquent de devenir une minorité au Liban, et donc ils développent un discours dans la fin des années 30 qu'on appellera le foyer national chrétien. Le Liban est le foyer national chrétien, comme la Palestine est le foyer national juif. Ceci, évidemment, aura des conséquences pour l'avenir. Alors, les élections de 32, présidentielles de 32, ont été tellement confuses que Ponceau a suspendu, en le 9 mai 1932, la constitution libanaise et établi un régime provisoire qui, comme mon bon système français, tend à durer, puisque Damien Martel ne rétablit pas la constitution libanaise. Mais néanmoins, les élections de janvier 1934 marquent une étape importante puisqu'on abolit la loi électorale ottomane, qui était une loi électorale à 2 degrés, pour accepter un vote direct par un scrutin de liste dans un pays divisé à plusieurs circonscriptions. Le but étant d'assurer une majorité de députés chrétiens. Et ça ne fait qu'exacerber la lutte des factions. Et finalement, les Français laissent les Libanais choisir librement leur président. Alors, chaque candidat potentiel essaye d'avoir le maximum de soutien, y compris du Vatican. Et la période est dominée par l'opposition, comme on l'a déjà dit, des deux leaders chrétiens, Émile Deh et Béchara El-Rouri. Béchara El-Rouri jouant la carte de l'alliance avec les musulmans, tandis que Émile Deh jouant plutôt la carte des autorités françaises. En tout cas, les élections de 1936 donnent à Émile Deh la présidence du Liban. Alors, comme je vous dis, on est rempli de tournants. On va commencer maintenant, puisque vous savez qu'on parle des années 30, du début de la montée des périls. La particularité de l'Italie fasciste est de considérer l'impérialisme comme une loi éternelle et immuable de la vie. C'est pas un gros mot pour les fascistes, c'est une très bonne chose, l'impérialisme. Et Mussolini considère que l'Italie est une puissance dite prolétaire parce qu'elle ne dispose que de peu de colonies et que les puissances nanties et décadentes que sont la France et la Grande-Bretagne devraient gentiment céder une bonne partie de leurs possessions méditerranéennes à ceux qui doivent devenir, pour Mussolini, un nouvel empire romain. Dans les années 20, l'Italie fasciste s'est concentrée sur la conquête véritable de la Libye, ce qui lui a valu une très grande impopularité dans le monde musulman du fait de la brutalité de la conquête italienne de la Libye qui a fait des milliers de morts. Et ensuite, l'Italie a cherché à partir de l'Érythrée, quel contrôle, d'avoir une politique en mer Rouge en essayant de jouer alternativement sur le Yémen et sur l'Arabie Saoudite, ce qui évidemment a exaspéré les Anglais. Mais ça n'a pas donné grand-chose. Donc, ce qui domine évidemment toujours au début des années 30, c'est la Grande-Bretagne. On est toujours dans le moment britannique. En dépit de l'indépendance théorique, le haut commissaire britannique en Égypte reste le meneur du jeu, d'un jeu politique triangulaire, opposant en Égypte le palais, maintenant le roi Fouad, associé au parti dit minoritaire, et le Waft de Sard Zahloul, et puis après la mort de Sard Zahloul, père de la nation, de son successeur, Nahas Pasha. Alors, la revendication permanente de l'Égypte, c'est non seulement la vraie indépendance, mais aussi l'intégration du Soudan à l'Égypte, puisqu'officiellement c'est un condominium anglo-égyptien. tandis que les Britanniques, eux, veulent un traité préservant les intérêts britanniques, avec toujours la règle, s'il faut que le partenaire soit fort pour imposer le traité, mais pas trop faible non plus. Donc c'est toujours la même question. Et donc les tentatives de négocier avec le Waft à chaque fois que le Waft était au pouvoir ont échoué. Alors on peut avoir les partis minoritaires qui sont prêts à négocier, mais ils ne peuvent pas vendre la marchandise. Alors l'Égypte indépendante et libérale vit toujours donc sur une protection britannique de fait. La nouveauté de la période, sous le proconsulat du haut commissaire britannique Lord Lloyd, 1925-1929, c'est que les Britanniques découvrent la culture. Et Lord Lloyd est le premier à lancer une politique culturelle agressive en Égypte contre la présence culturelle française. Donc le champ de bataille, et en particulier la nouvelle université égyptienne du Caire, celle qu'on appelle aujourd'hui l'université du Caire, mais qu'on à l'époque on appelle l'université du roi Fouad, l'équivalent de la Sorbonne, si vous voulez, et parce qu'elle est constituée sur le modèle de la Sorbonne française. Et donc, une bonne partie des cours de l'université du Caire est en français, et Lloyd veut chasser le français pour imposer l'anglais à l'université du Caire. Mais le véritable gagnant de la lutte des langues entre le français et l'anglais, c'est l'arabe, qui progresse constamment, aussi bien dans les structures d'enseignement que dans les sociétés savantes, dans la culture générale. La scolarisation qui s'accroît en Égypte accélère l'arabisation de l'Égypte par rapport à la période précédente où l'Égypte était plutôt dans une situation levantine, où le français était la langue presque dominante dans l'enseignement secondaire. Quand Lord Lloyd sera chassé par les travaillistes britanniques en 1929, il arrivera à convaincre, ce qui est difficile à faire, les Britanniques de la nécessité d'avoir une politique culturelle. Et c'est à Lord Lloyd qu'on devra, en 1934, la création du British Council. Donc, pour la première fois, les Anglais se mettent à avoir une politique d'influence culturelle, alors que les alliances françaises sont bien installées, déjà, depuis très longtemps. Et Lord Lloyd dirigera le British Council de 1937 à 1941. Il fera un bref retour en politique, parce que c'est un ami de Churchill, mais il mourra très rapidement pour des raisons de mauvaise santé. Alors, comme vous le savez, la grande crise, la crise mondiale, la grande dépression est très rapidement devenue une crise de change. C'est-à-dire que, tout simplement, les échanges mondiaux se sont effondrés parce que chaque pays a levé des barrières protectionnistes et qu'on n'a plus de monnaie d'échange au sens littéral du terme. Donc, le Moyen-Orient est conduit à se diviser en zones monétaires de fait et de droit, c'est-à-dire une zone franc dans les États du Levant et une zone sterling pour le reste de la région. Mais en même temps, les Français comme les Britanniques acceptent l'accroissement de la protection douanière des nouveaux États du Proche-Orient. Donc, on va avoir le paradoxe que la montée du protectionnisme douanier va briser les échanges régionaux au Moyen-Orient. Par exemple, la montée du protectionnisme sur le savon en Égypte interdit l'exportation de savon de Naplouse en Égypte. Du coup, paradoxalement, la volonté de s'industrialiser va renforcer les échanges nord-sud à travers les zones monétaires au détriment des échanges internes à la région moyenne-orientale. On pense toujours que le découpage, la création des nouveaux États a joué, mais c'est surtout le fait que de plus en plus les nouveaux États, et volontairement de la part des élites qui les contrôlent, jouent la carte des échanges nord-sud et non pas des échanges sud-sud pour utiliser le langage d'aujourd'hui. Alors, dès 1932, l'immigration juive en Palestine, aussi bien légale qu'illégale, a considérablement augmenté avec une importante composante de classe moyenne qui apporte des capitaux. Puisque l'immigration juive en Palestine était fixée selon le principe de la capacité économique d'absorption. Donc, ceux qui étaient sur les visas dits ouvriers ne pouvaient venir que s'il y avait des potentialités d'emploi pour eux. Tandis que ceux qui amenaient des capitaux de l'ordre de 1000 livres sterling, avait automatiquement le visa d'entrée. Et du coup, comme dès 32, c'est-à-dire dès avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, l'émigration juive a augmenté, mais avec beaucoup d'immigrants dits capitalistes. Mais du coup, l'argent des immigrants dits capitalistes permet de créer de nouveaux visas qui sont, eux, ouvriers. Vous voyez la logique du système. Alors tout ça va s'accélérer après l'avènement d'Hitler au pouvoir, le 30 janvier 1933. Et le monde juif va se trouver divisé sur la conduite à tenir devant les premières violences antisémites du régime nazi. Les activistes, en particulier aux États-Unis, appellent à un boycott des produits allemands, ce qui, à une époque de réduction des échanges, est une arme particulièrement redoutable. Les responsables nazis sont particulièrement inquiets du fait de la précarité de leur pouvoir en Allemagne. L'Allemagne de 1933 n'a que des réserves de change extrêmement faibles. Et une diminution des échanges pourrait conduire à la fin des importations des matières premières vitales pour l'économie allemande. Et dans le mouvement sioniste lui-même, c'est la droite radical sioniste qui appelle au boycott sous l'impulsion de son chef historique Vladimir Jabotinsky. Et il demande donc à une opposition radicale à l'Allemagne nazie, ce qui implique aussi la création immédiate d'un État juif en Palestine. L'organisation sioniste, elle, et l'agence juive, eux, sont des positions beaucoup plus difficiles à gérer. D'abord parce qu'elle a les mains dans le cambouis, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle, elle colonise. La droite, elle aboie en quelque sorte, mais elle ne fait rien sur le terrain. C'est l'organisation sioniste, l'agence juive, qui gère la colonisation juive en Palestine. Or, elle manque de capitaux. Et la grande peur du mouvement sioniste, c'est que la solidarité juive mondiale, qui s'est affaiblie à cause de la crise mondiale, va plus à l'aide apportée aux réfugiés juifs fuyant l'Allemagne qu'aux colons sionistes en Palestine. Du coup, là on est dans une question très sensible parce que des gens encore aujourd'hui ont des expressions un peu brutales sur ce dossier et ce qui amène évidemment à des confusions, donc il faut être extrêmement précis dans les données, ce qui va amener l'organisation sioniste à se rapprocher de l'Allemagne nazie pour régler ce dossier. Et le discours que l'organisation sioniste va tenir en 1933 par rapport aux nazis est de dire que de toute façon, il y a convergence d'intérêts entre le mouvement sioniste et le nazisme. D'abord parce que la Renaissance allemande peut aller de pair avec la Renaissance juive, et ensuite parce qu'ils ont le même objectif, l'interdiction des mariages mixtes. Or, en 1929, 59% des mariages juifs en Allemagne étaient des mariages mixtes. Et donc la grande peur, c'était de voir le judaïsme allemand disparaître par l'assimilation. Et donc les sionistes disent, nous sommes d'accord avec les nazis, il faut interdire les mariages mixtes. Alors, des contacts sont pris entre diverses personnalités sionistes et les responsables nazis. Et principe était rapidement acquis. Les nazis sont prêts à laisser partir vers la Palestine des juifs allemands avec l'équivalent de 1000 livres sterling de capitaux, ce qui fait d'eux des immigrants dits capitalistes, c'est-à-dire donc hors quota vers la Palestine. Cet accord est conclu le 7 août 1933 et portera le nom donc de accord de transfert. C'est un accord entre l'agence juive et le ministère des Affaires étrangères d'Allemagne. Les modalités sont ensuite précisées. Un juif allemand émigrant en Palestine verra ses biens mis sous séquestre en Allemagne. En contrepartie, un compte en marchandises allemandes sera ouvert en Palestine dans une institution sioniste. Le produit de la vente de ces marchandises sera ensuite rendu à l'émigrant, puisque l'Allemagne n'a pas de devise, donc elle ne peut pas donner 1000 livres sterling à l'émigrant. mais l'immigrant reçoit l'équivalent de 1000 livres sterling en marchandises allemandes qui sont vendues en Palestine et dans l'ensemble du Proche-Orient. On est dans la logique économique des années 30 où les échanges de troc ont remplacé la circulation des devises. Le but est ainsi de permettre une importante immigration capitaliste vers la Palestine. Cette immigration permet de relancer l'économie du foyer national juif. Et du coup, cette relance de l'économie juive de Palestine permet de faire venir des immigrants ouvriers. Donc, le corollaire de l'arrivée des capitalistes juifs allemands, capitalistes entre guillemets, c'est le terme de la terminologie de l'époque, c'est de permettre de faire venir des ouvriers juifs polonais. Donc, les seconds bénéficiaires de l'accord de transfert, ce sont les prolétaires, entre guillemets, polonais. Donc, à côté du premier accord de troc, c'est-à-dire marchandises allemandes contre immigrants, on a un second accord de troc qui est conclu avec l'agence juive, qui est l'échange d'agrumes palestiniens contre des marchandises allemandes. Je rappelle, la Palestine est un des premiers exportateurs d'agrumes dans l'entre-deux-guerres. Et là, il faut comprendre aussi un phénomène de société, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire que les agrumes, les oranges en particulier, sont des produits contracycliques. C'est-à-dire que c'est l'époque, l'entre-deux-guerres, où on découvre les vertus des vitamines. Et donc la consommation mondiale d'agrumes continue d'augmenter en dépit de la crise mondiale. Donc en important des oranges de Jaffa contre des marchandises allemandes, l'Allemagne nazie assure un ravitaillement en oranges, qui est un des grands produits demandés par la société allemande des années 30. Alors, bien évidemment, l'accord de transfert interdit toute mesure de boycott. Alors, pour le mouvement sioniste, la priorité absolue était bien donnée à la colonisation juive en Palestine. S'il y avait convergence dans l'idée que le destin du peuple juif n'était pas en Allemagne, voire en Europe, il est bien clair que, pour les leaders sionistes, cet accord se justifiait avant tout par la raison d'État et le réalisme politique. Et l'Allemagne nazie restera fidèle aux engagements pris jusqu'au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Très rapidement, le mouvement sioniste sera la seule force politique juive autorisée en Allemagne nazie dans les années 1930. L'accord permettra l'émigration de 60 000 juifs allemands en Palestine et donc l'émigration d'un nombre plus important de juifs polonais par le biais des visas ouvriers. Quant à la question de savoir si un boycott bien organisé était incapable de renverser l'Allemagne nazie à ses débuts, c'est toujours le problème du contrefactuel. La seule réponse possible est de dire que les responsables nazis l'ont craint, mais il est vrai qu'ils étaient aussi obsédés par la toute-puissance financière des Juifs, comme tous les antisémites, et qui surévaluaient probablement la menace du boycott. Pour le reste, il est par définition impossible de savoir ce qui serait passé si le boycott avait été tenu et s'il n'y avait pas eu l'accord de transfert. La conséquence est que l'Allemagne nazie n'a pas de politique arabe, puisque les nazis sont intéressés avant tout par la nécessité de faire partir le maximum de juifs d'Allemagne dans cette période. Ensuite, dans la phase suivante, ce sera d'Europe. Mais dans les débuts des années 30, c'est de faire partir les juifs allemands. Pour Hitler, il y a toujours la possibilité d'une conciliation entre l'Allemagne nazie et l'Empire britannique, puisque les buts territoriaux de l'Allemagne nazie, c'est vers l'Est et non pas vers l'Ouest. Ce qui fait que quand des nationalistes arabes tentent de prendre des contacts avec l'Allemagne nazie via les consulats allemands au Proche-Orient, la réponse est polie, mais toujours de façon de non recevoir. Ça ne nous intéresse pas, nous sommes contents de votre visite, merci monsieur. Collège de France et France Culture vous présente l'historien Henri Laurence, Aujourd'hui, l'Orient à la montée des périls. Alors les Arabes, eux, se méfient de l'Italie fasciste, du fait de l'expérience libyenne. On pense qu'entre 1922 à 1934, au moins 150 000 personnes ont été tuées en Libye par l'Italie fasciste, dans les diverses façons, y compris l'usage de gaz de combat. Donc c'est une ponction absolument effroyable, parce que la population est beaucoup plus faible à cette époque-là qu'aujourd'hui. En revanche, les sionistes sont intéressés à entrer en contact avec l'Italie fasciste. C'est en particulier le cas de Weizmann qui a perdu la direction de l'organisation sioniste et qui se rend régulièrement à Rome rencontrer Mussolini, le Duce. Et à cette époque, Mussolini se présente comme un rempart contre l'Allemagne nazie. Et Weizmann lui propose que les Juifs aident son pays à constituer une industrie chimique indépendante de celle de l'Allemagne. Le Duce se proclame sioniste et évoque avec différents responsables de ce mouvement un partage de la Palestine entre Juifs et Arabes. C'est-à-dire que Mussolini se présente en médiateur entre Juifs et Arabes en Palestine. En octobre 1933, devant la montée de l'immigration juive, les manifestations reprennent en Palestine avec un caractère tout à fait anti-britannique comme anti-sioniste. Les violences font une trentaine de morts et plusieurs centaines de blessés. En 1934, Ben Gourion, le principal dirigeant du foyer national, rencontre un certain nombre de personnalités arabes palestiniennes et non palestiniennes. Il pense les intéresser en leur proposant de grandioses projets de développement économique, mais les inquiète surtout en évoquant l'arrivée prochaine de plusieurs millions de Juifs d'Europe et la constitution d'un État juif qui s'étendrait à la Transjordanie. Alors évidemment, je vous ai dit qu'on était dans un parcours sinueux, donc après le tournant de 1929, on est dans le tournant de 1935, ce qui est tout à fait logique. Si la vie politique des pays arabes est toujours dominée par les notables, l'arrivée de la nouvelle génération, venue des classes moyennes, se traduit par de nouvelles formes d'action politique avec un caractère beaucoup plus idéologique des mouvements politiques, ce qui caractérise le milieu des années 30 au Proche-Orient, mais comme en Europe, c'est le développement des chemises. C'est-à-dire, vous savez, tous les mouvements de jeunesse sont en chemise de différentes couleurs. Et donc, les mouvements politiques arabes se dotent aussi de jeunes gens en chemise uniforme. Ces nouvelles générations, n'ayant pas connu la Grande Guerre, est beaucoup plus radicale que celle des aînés, qui a connu la souffrance de la période précédente. En 1934, l'Italie fasciste émet avec Radio Bari quelques minutes de programmes radio en arabe qui ont un certain succès à un moment où les premiers appareils récepteurs commencent à être en nombre. Mais il faut être bien clair, pour tout, le nombre de récepteurs radio au Proche-Orient est beaucoup plus faible qu'en Europe à la même période. Pour l'instant, en Palestine, les fascistes soutiennent à la fois les factions arabes et sionistes afin de miner les positions britanniques. D'où le fait que Mussolini continue de recevoir des personnalités juives. Il va même jusqu'à accepter que la droite révisionniste, le Bétard, envoie des jeunes gens en Italie fasciste se former à la marine de guerre. En tout, 162 membres du Bétard, de 1934 à 1938, recevront une formation maritime de combat dans l'Académie militaire maritime des chemises noires fascistes, qui vit avec. Jabotinsky, lui, est hostile au fascisme. Par principe, c'était quand même un démocrate. Mais le fascisme exerce une vraie influence sur la genèse radicale sioniste de cette période. À partir de décembre 1934, la crise éthiopienne domine la situation internationale. l'opinion publique arabe est très largement favorable aux Éthiopiens. À l'automne 1935, la possibilité d'une guerre anglo-italienne est évoquée, les Britanniques faisant ostensiblement manœuvrer leur flotte de guerre en Méditerranée orientale et en mer Rouge. Les sanctions imposées par la Société des Nations se révèlent dérisoires. La vulnérabilité de l'Empire britannique est mise en relief. Les stratèges britanniques découvrent avec épouvante qu'une guerre avec l'Italie impliquerait de découvrir l'Extrême-Orient, soumis à la politique agressive du Japon. Et maintenant, l'ensemble Égypte-Soudan se trouve bordé à l'ouest par la Libye et au sud par l'Éthiopie, dont les Italiens sont en train de terminer la conquête. La Palestine et l'est du delta du Nil se trouvent maintenant à la portée de l'aviation italienne. Donc la Palestine, l'est du delta du Nil par l'aviation italienne de Libye, et la Palestine par les bases aériennes italiennes dans le Dodécanèse, c'est-à-dire dans la région, les îles autour de Rhodes. Cette guerre d'Éthiopie est analogue évidemment aux guerres coloniales d'avant 1914. Mais l'évolution du droit international en fait maintenant une entreprise illégale, puisque l'Éthiopie est membre de la Société des Nations. Si les empires coloniaux restent légitimes en tant que réalité existante, l'expansion coloniale appartient dorénavant au passé. Mais en même temps, bien des responsables français et britanniques craignent qu'une défaite italienne donne le signal pour une révolte des peuples de couleur. L'Égypte en général et le canal de Suez en particulier sont maintenant considérés comme la jonction vitale de l'empire britannique, reliant les possessions méditerranéennes aux possessions africaines et asiatiques. Son annexe, en quelque sorte, la Palestine, assure l'accès du pétrole de l'Irak à la Méditerranée et indispensable pour la route aérienne de l'Inde. Le réseau des raffineries des oléoducs permet de fournir un ravitaillement constant à la flotte britannique de Méditerranée. C'est-à-dire que l'importance stratégique du Moyen-Orient et en particulier de l'Égypte-Palestine se renforce avec la crise éthiopienne. Alors, jusque-là, le dispositif militaire britannique au Proche-Orient avait été conçu en fonction du risque d'une révolte indigène. Donc, il suffit de quelques milliers de soldats de l'armée de terre, dont la première fonction est de protéger les bases aériennes et la seconde de transporter rapidement, y compris par avion, sur les foyers de troubles, comme en Palestine en 1929. Certes, les militaires britanniques ont assez peu d'estime pour l'armée italienne, mais sont préoccupés par l'aviation italienne, qui a une très bonne réputation à l'époque. L'Italie seule n'est pas un vrai danger, mais si l'Italie s'allie avec l'Allemagne et le Japon, ce serait une menace terrible pour l'Empire britannique. L'alerte militaire de l'automne 1935 s'estompe avec la prise de conscience des difficultés logistiques de la guerre du désert et de la meilleure préparation britannique à ce type de guerre que celle des Italiens. Et la remilitarisation de la Rhénanie par Hitler en mars 1936 réinstaure la primauté de l'Europe sur le Proche-Orient. En Égypte, l'opinion publique avait été résolument hostile à l'Italie et avait espéré en une intervention militaire britannique. Comme il ne se passe rien, elle devient résolument nationaliste et demande que l'Égypte devienne responsable de sa propre défense, ce qui relance la question du traité. En avril 1936, le roi Fouad décède, laissant un héritier encore mineur, le roi Farouk. Le Waft remporte les élections du mois de mai et son leader, Nahas Pasha, entame les négociations sur le fameux traité. Les débats sont âpres sur la durée de la présence militaire britannique. Progressivement, une solution se dégage, fondée sur la distinction entre la situation de paix et celle de guerre. L'essentiel de la garnison britannique, fixée à 10 000 hommes, sera concentré dans la zone du canal, destiné à devenir la base militaire majeure de l'Empire britannique au Moyen-Orient. Pour 8 ans, elle pourra stationner à Alexandrie. L'armée égyptienne sera modernisée avec l'aide de conseillers britanniques. L'espace aérien égyptien sera ouvert en permanence à l'aviation britannique, les Égyptiens auront la réciprocité en Grande-Bretagne. Le problème, c'est qu'on ne voit pas beaucoup d'avions de combat égyptiens en Grande-Bretagne dans cette période. En temps de guerre, la présence militaire britannique sera illimitée. Le traité est conclu pour une durée de 20 ans. Il est signé à Londres le 26 août 1936 et ratifié en décembre. Par rapport aux quatre réserves de 1922, l'une a disparu, la protection des étrangers. Il est entendu que les capitulations devenues anachroniques doivent cesser. Une conférence à Montreux en 1937 organise leur disparition progressive jusqu'en 1949. En ce qui concerne le Soudan, la formule du condominium est rétablie avec le retour des fonctionnaires égyptiens. Ainsi, la question égyptienne, il n'est pas question d'un statut des minorités, contrairement à ce qui se passe dans les États du Levant. Quand la délégation syrienne arrive à Paris en avril 1936, la France se trouve en période électorale et donc la négociation a lieu avec des hauts fonctionnaires, la question essentielle étant celle de l'unité syrienne. Les élections du 26 avril et du 3 mai 1936 amènent la victoire de la coalition du Front populaire, mais le gouvernement de Léon Blum n'est investi que le 6 juin 1936. Et il est de notoriété publique que le chef de la SFIO est un partisan convaincu du sionisme et qu'il siège au comité directeur de l'agence juive depuis 1929. Il est intervenu de nombreuses fois auprès de l'administration française, en particulier pour favoriser l'achat de terres par les sionistes en Syrie et au Liban. Mais il se veut aussi un libéral en matière coloniale. Donc les négociations franco-syriennes peuvent reprendre dans une autre perspective, dans les derniers jours de juin 1936. Les négociations franco-syriennes inquiètent grandement les acteurs libanais et la France est obligée de les rassurer en manifestant son attachement à l'intégrité territoriale du Liban et à l'égalité de statut entre le Liban et la Syrie. De fait, les sunnites de Tripoli exigent le rattachement à la Syrie. Donc, durant l'été 36, la tension monte entre chrétiens et musulmans sur l'intégrité territoriale, tandis que les négociations achoppent sur le sujet. Mais à Paris, au mois d'août, on arrive à un accord sur les Alaouites et les Druzes qui conserveront une autonomie semblable au Sanjak d'Alexandrette sur une période de transition de 3 ans. Dès lors, le traité anglo-irakien sert de modèle, une période de 25 ans. Avec présence militaire française à partir de la date d'entrée à la Société des Nations. Le traité est signé le 9 septembre 1936 au Quai d'Orsay, salon de l'horloge bien connu. Pour le négociateur français Paul Viénot, le traité a une portée plus générale que le seul Proche-Orient. Il est une conciliation entre la France et le nationalisme arabe et aura des conséquences bénéfiques sur le monde arabe, terme qui commence à entrer dans l'usage courant à partir de 1936. Donc, ce monde arabe qui, maintenant clairement, comprend l'Afrique du Nord française. Je cite, « Le règlement, enfin, des délicats problèmes depuis longtemps posés sera pour l'ensemble du monde arabe une preuve tangible du souci apporté par la France à définir sans arrière-pensée comme sans contrainte les bases d'une collaboration confiante et féconde avec les populations dans la mission d'assurer l'avenir et de préparer les progrès. » Cette mission, le gouvernement qui signe aujourd'hui les préliminaires du traité franco-syrien en a pleinement conscience. Les problèmes complexes que pose notre responsabilité de grande puissance étroitement et affectueusement liée à l'islam. Est-ce qu'encore aujourd'hui un gouvernement français dirait qu'il est affectueusement lié à l'islam ? Feront l'objet de son examen le plus attentif. Le gouvernement a la ferme espoir de trouver à ces problèmes, suivant des modalités différentes qu'impose la différence des situations, les solutions confiantes que nous inspira tout naturellement la grande tradition libérale de la France, tradition dont les commandements ne s'arrêtent pas, à nos yeux, aux limites des frontières métropolitaines. Donc c'est bien l'Afrique du Nord dont il est question. Le grand sociologue et conseiller du prince, Robert Montagne, s'interroge ainsi, à l'occasion du traité, sur l'avenir des minorités. La situation des minorités ne serait pas dangereuse par elle-même, et leur transformation pourrait être envisagée avec un certain optimisme si le mouvement d'enthousiasme en faveur de l'unité arabe n'avait pas acquis en Syrie, comme dans la plupart des pays de la péninsule arabique, une si redoutable puissance dans les esprits. La volonté d'unification culturelle qu'il implique, la suppression rigoureuse de tous les particularismes, le rejet absolu de toute politique d'autonomie locale font partie des dogmes indiscutables auxquels se soumet une grande partie de la jeunesse des nouveaux États de la péninsule. L'idée se fait jour que pour absorber les minorités, pour lutter contre les périls extérieurs et intérieurs, il faut être fort, capable de lever en masse. Le développement des ligues paramilitaires, s'il canalise le mouvement, le coordonne d'autre part et lui donne plus de force. Il dépend de la sagesse des élites que ces grandes vagues d'enthousiasme soulevées par les écrivains, les poètes, les chefs de guerre et les orateurs, qui entraînent et soulèvent les masses, ne viennent pas se briser sur le rocher des dures réalités. Mais pendant qu'on signe pour la Syrie et pour le Liban, parce qu'on a un traité analogue avec le Liban, la situation explose en Palestine. Depuis 1933, la progression de l'immigration juive permet d'envisager un moment proche où la population juive de la Palestine deviendrait majoritaire, ce qui permettrait démocratiquement, entre guillemets, de constituer un État juif. Donc ça crée une très grande peur dans la population arabe et une radicalisation d'une fraction de cette dernière avec des mouvements clandestins qui préparent la lutte armée. Les événements égyptiens et syriens montrent que la puissance coloniale peut céder devant un mouvement populaire. Les autorités mandataires, inquiètes de la montée des tensions, tentent d'apaiser la population arabe en proposant à Londres une limitation de l'immigration juive, une protection de la petite propriété arabe et la constitution d'une assemblée législative en partie élue. Le mouvement sioniste s'y oppose immédiatement, tandis que les notables arabes se montrent intéressés. Weizmann, une nouvelle fois, mobilise tous ses contacts à Londres, en particulier les travaillistes, pour s'opposer aux propositions des autorités mandataires. Et à la Chambre des communes, Winston Churchill se fait l'opposant le plus résolu aux concessions aux Arabes palestiniens et il l'emporte à la fin mars 1936, donc mettant en échec les propositions de conciliation du haut-commissaire britannique. Le 15 avril 1936, un incident mineur provoque un enchaînement de violences entre les deux populations de la Palestine. Les Britanniques sont contraints d'avoir recours à la loi martiale. Un haut comité arabe est formé le 25 avril, regroupant tous les partis arabes sous la présidence de Haj Amin al-Husseini. La grève générale est proclamée. Elle est organisée par des comités nationaux qui remplacent l'administration mandataire dans la gestion des affaires quotidiennes selon les principes de la désobéissance civile. En mai 36, des paysans commencent à former des bandes armées tandis que les Britanniques multiplient les arrestations et les internements dans ce que les contemporains appellent alors des camps de concentration. À la guérilla rurale s'ajoute une ébauche de guérilla urbaine. Au nom de l'urbanisme moderne, les Britanniques détruisent une partie des quartiers anciens de Jaffa, où la police pénétrait avec difficulté. Face aux violences arabes, les sionistes s'en tiennent à une politique de retenue, afin de montrer à la puissance mandataire qu'ils sont les seuls éléments fiables du pays. Mais les milices juives sont tolérées, voire armées par les Britanniques, qui refusent d'en reconnaître l'existence. Ne voulant pas céder aux revendications arabes, Londres ne peut s'engager qu'à former une commission royale destinée à déterminer les causes de la situation précédente. Les responsables coloniaux français et anglais sont très inquiets des développements de l'affaire palestinienne. Les révoltés palestiniens font appel à la solidarité du monde musulman et la question devient un thème de mobilisation politique. Anthony Eden, le secrétaire d'État au Foreign Office, est préoccupé par les répercussions sur le Proche-Orient et la péninsule arabique. Les routes impériales de communication sont mises en danger et l'Italie fasciste se trouve maintenant en position de force en mer Rouge avec la conquête de l'Éthiopie. Les amis arabes de la Grande-Bretagne proposent leur médiation sur la base d'une suspension de l'immigration juive. Durant l'été 36, la violence s'intensifie sans qu'aucune solution puisse se dégager. Des volontaires arabes rejoignent les révoltés palestiniens. Ils sont commandés par Fawzi al-Kawji, un ancien officier de l'armée ottomane né à Tripoli qui a joué un rôle important de la révolte syrienne et qui s'est ensuite exilé en Arabie saoudite puis en Irak. Kawji veut se poser en chef de la révolution palestinienne, ce qu'il voit la méfiance de la classe politique du petit pays. Il est vrai qu'il se présente comme commandant en chef de la révolte en Syrie du Sud, ce qui est un refus de reconnaître l'existence d'une spécificité palestinienne. L'Irakien Nouri Saïd tente une médiation fondée sur la constitution d'un grand État du Proche-Orient où le foyer national juif trouverait sa place sous la forme de cantons autonomes. Les membres du Haut Comité arabe se montrent intéressés sur la base d'une suspension de l'immigration et d'une médiation permanente de l'Égypte, mais les sionistes organisent une fuite des informations qui oblige le Colonial Office à désavouer le projet. Au lieu d'une solution politique, les Palestiniens voient l'arrivée de renforts militaires conséquents. Londres, maintenant, menace d'avoir recours à des moyens drastiques pour mettre fin au mouvement. Sur le plan international, les États d'Europe centrale demandent le maintien de l'immigration juive, tout aussi bien la Tchécoslovaquie démocratique pour satisfaire son opinion publique juive que la Pologne autoritaire et antisémite qui ne cherche qu'à voir diminuer sa population juive. Elle propose d'ailleurs à la France d'en transférer une partie à Madagascar, ce qui déplaît évidemment aux sunnites. Weizmann propose à Léon Blum d'ouvrir le Liban à l'immigration juive, ce qui permettrait de constituer une coopération directe entre sionistes et maronites pour affronter ensemble, je cite, les masses fanatiques musulmanes. Mais il faut trouver un moyen pour mettre fin à une grève sans perdre la face. Il doit passer par les souverains arabes, mais ces derniers ne peuvent garantir des engagements que la Grande-Bretagne ne peut pas prendre. En conséquence, une formule transactionnelle est trouvée qui met fin à la grève le 12 octobre 1936. Ce nom, donc, sont les chefs d'État arabes qui s'adressent à nos fils, les Arabes de Palestine. Nous avons grandement souffert de la situation régnant actuellement en Palestine. D'accord avec nos frères, les rois arabes et l'émir Abdallah, nous vous demandons de rentrer dans le calme pour éviter l'effusion de sang, comptant sur les bonnes intentions de notre ami le gouvernement britannique qui a déclaré vouloir justice. Soyez certains que nous continuerons nos efforts pour vous aider. La conséquence est claire. Pour amener la fin de la grève, la Grande-Bretagne implique les États arabes dans la gestion du dossier. Le bilan des événements est de 314 morts, majoritairement musulmans, et de 1337 blessés. Le foyer national juif a renforcé sa cohésion économique, mais la détérioration des conditions économiques porte un coup sensible à l'immigration, et les Britanniques laissent partir discrètement les combattants arabes vers l'Irak via la Transjordanie. La commission royale britannique, dite commission Peel, du nom de son directeur, Robert Peel, se veut indépendant, mais s'inscrit évidemment dans une vision des intérêts impériaux de la Grande-Bretagne. Les autorités coloniales veulent rappeler qui est le maître à un moment où Benjamin al-Husseini a pris la direction de l'opposition radicale au sionisme. L'atmosphère est très lourde en Palestine. Les travaux de la commission sont boycottés par le Haut Comité arabe, tandis que Weizmann évoque l'immigration d'un million de juifs européens qui diminuerait ainsi les tensions en Europe. L'obligation envers le sionisme est plus forte que la protection des intérêts arabes, affirme-t-il. Sous pression arabe, le Haut Comité accepte en janvier 1937 de comparaître devant la Commission. Elle insiste sur la contradiction entre l'article 22 de la Société des Nations compris comme droit à l'indépendance et la charte du mandat consacrant la déclaration Balfour. La déloyauté britannique fait que les Arabes palestiniens avaient un sort beaucoup plus heureux sous les Ottomans, affirmation qui choque profondément les Britanniques qui pensent qu'ils sont toujours là pour apporter le bien-être aux indigènes. Un argument que les Allemands veulent chasser les Juifs d'Allemagne, les Arabes répondent que les sionistes veulent chasser les Arabes de Palestine. Les Arabes peuvent à la rigueur accepter le rapport démographique actuel, c'est-à-dire 30% de Juifs, mais ne veulent pas aller plus loin. La Commission peut voir que les sionistes se présentent comme favorables aux Britanniques, alors que les Arabes manifestent une hostilité qui tourne à la menace de soulèvement. Il est clair qu'une révolte de grande ampleur est en préparation. Les membres de la Commission se tournent vers la solution d'un plan de partage accompagné d'une démonstration de force afin de forcer les Arabes à s'incliner. Weizmann pousse dans ce sens, ainsi que dans celui d'une alliance entre les sionistes et les chrétiens libanais pour former un bloc contre les Arabes musulmans, ce qui supposerait, ça les Britanniques le comprennent, mais pas nécessairement les autres, de chasser la population musulmane de Galilée. Il compte sur le soutien de Léon Blum, qui siège donc à l'agence juive, mais dans ce contexte, le haut-commissaire français au Levant rappelle à Paris qu'il existe une population chiite compacte dans le Liban Sud. Exactement ce qu'on dira un peu trop tard à Haig en mai 1982, qu'il y a des chiites entre l'État d'Israël et les maronites au Liban. C'est exactement le même terme qui est utilisé en 1937. Tandis que la commission peaufine son rapport à Londres durant le printemps 1937, les actes de violence se multiplient. Les opposants aux Husseinis, les Nashashibis, se rallient à l'idée de faire fusionner la Palestine arabe avec la Transjordanie en cas de partage. Le clivage entre Palestiniens recoupe ainsi celui entre partisans et adversaires des Hachémites. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 21 novembre 2018 l'historien Henri Laurence, les crises d'Orient, l'hégémonie britannique 1926-1956. Aujourd'hui, l'Orient et la montée des périls. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Henri Laurence. L'historien a notamment publié les Crises d'Orient, Questions d'Orient et Grands Jeux 1768-1914 chez Fayard en 2017. Et il publie prochainement le tome 2 de ses Crises d'Orient qui va paraître sous le titre La naissance du Moyen-Orient 1914-1949. Je rappelle également la série orientale et notamment le volume 4 L'Orient dans tous ses états qui a été publié aux éditions du CNRS. Iconographie web Claire.Signon. Réalisation Laurélène Planchet. Présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons notre exploration des crises d'Orient et de la montée des périls en compagnie d'Henri Laurence. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Et je vous souhaite une très belle journée à l'écoute de France Culture.